بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى أما بعد. L'article en question a pour titre avant de se soucier de transmettre et partager. Toutes les louanges reviennent à Allah seul, qu'Allah couvre d'éloge et salue celui après qui il n'y a plus de prophète. Abu Qilab, qui est décédé approximativement l'an 104 de l'Hégire, a dit à Ayyub Sirtiani, quant à lui est décédé en l'an 131, lorsqu'Allah te fait nouvellement bénéficier d'un savoir, traduis-le en adoration, et que tout ton souci ne soit pas de le transmettre aux gens. Cette parole d'Abu Qilab a été recueillie par Al-Fasawi dans Al-Ma'rifa wa Al-Tarikh, de même que par Abu Nu'aym dans Hilyat Al-Awliya, ainsi que par Al-Bayhaqi dans Al-Madkhal, de même que par Ibn Abd al-Barr dans Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlihi, et par Al-Khatib al-Baghdadi dans Iqtida'u al-Ilm al-Amal. Il y a dans cette parole, dans cette recommandation de Abu Qilab à son élève Ayyub, un enseignement important et utile à tirer, ainsi qu'une leçon pour quiconque souhaite le bien à sa personne. D'autant plus que nous vivons à une époque où des messages de rappel sont chaque jour diffusés par dizaines à l'aide des divers moyens de communication et autres réseaux sociaux, sans qu'ils ne soient bien souvent réellement médités et encore moins mis en application. Cela, bien qu'ils contiennent des versets magnifiques, des hadiths nobles et des sagesses sublimes rapportées des grands imams et ulama de l'islam, parmi les anciens ou les contemporains. En transmettant ce noble patrimoine sans lui accorder un minimum d'attention, et sans se soucier comme il se doit de le traduire en œuvre, l'individu se retrouve ainsi, telle une lanterne éblouissant les autres, tout en se brûlant lui-même. D'après Jundub ibn Abdillah, décédé après l'an 60 de l'Hégire, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'image de celui qui enseigne le bien aux gens, tout en oubliant sa personne, est similaire à celle de la lanterne, qui éblouit les gens tout en se brûlant elle-même. Ce hadith a été recueilli notamment par Al-Tabarani dans Al-Mu'jam Al-Kabir, ainsi que par Al-Khatib Al-Baghdadi dans Iqtida'u Al-Ilmi Al-Amal. Et le Cheikh Al-Albani en a déclaré la transmission correcte dans son livre Sahih Al-Targhib wa Al-Tarhib. Certains en arrivent même, c'est là quelque chose d'avéré, à relier des messages sans les avoir lus, se contentant de prendre connaissance du titre ou des premières lignes. C'est-à-dire, il reçoit, il entend le bruit du message qui lui parvient, et de suite, il appuie sur la touche transférer, ou la retweeter si elle existe, et peut-être qu'il n'a même pas lu. Et tu t'en rends compte ça notamment lorsque tu reçois un message et que tu le lis, ou que ce message contient un audio et que tu l'écoutes, ou une vidéo et que tu la regardes, et que dedans tu te rends compte qu'il y a des choses étranges, et que tu fais la remarque à la personne qui te l'a envoyé, et qu'elle te dit qu'en réalité, elle n'avait pas lu le message, ou qu'elle n'avait pas regardé la vidéo, ou écouté l'audio, mais qu'elle l'avait plutôt transféré, directement. Donc certains arrivent même à relayer des messages sans les avoir lus, en se contentant de prendre connaissance du titre ou des premières lignes, voire en le faisant de manière machinale sans rien connaître du message reçu, et qui est pourtant d'emblée partagé, transféré ou retweeté. En plus d'exposer celui qui se rend coupable de ce genre d'action à la menace précitée, et exposée dans le hadith rapporté par Jundub ibn Abdillah, radiyallahu anhu, cela contribue à ce que se propagent les publications contenant des imprécisions, des erreurs, voire des hadiths rapportés de manière faible ou mensongère, ainsi que des marques de déviance et d'égarement. Et cette tendance inquiétante à prêter attention à tous ces messages de masse, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, les messages de masse, bien souvent non ou mal référencés, et à les relayer de manière imprudente, nécessiterait d'ailleurs d'être traités de manière plus détaillée, ce qui pourrait être l'objet d'une publication à venir. Et c'est certes Allah qui est le garant, de la réussite, et contient donc d'être, il convient donc plutôt, excusez-moi, d'être attentif à tout cela, qu'Allah nous accorde un savoir profitable et des œuvres pieuses. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.